L'amoureux du nombre, par Lucie de la rue Mardrus. Celui, si difficile, qui devint enfin amoureux, sentit au premier choc que c'était pour toute sa vie. Un nom désormais hantait sa pensée, remplissait son existence, le rétolier. Voici comme la chose se passa. Ne sachant un soir que faire de lui-même, lassé de tout parce qu'il pouvait tout avoir étant millionnaire, il voulut tenter des plaisirs de tout le monde. C'est dire qu'il entra, d'ailleurs dégoûté d'avance, dans une salle de cinéma. Furieux, au bout de 10 minutes, contre les poursuites à cheval dans l'Arizona, les incendies, les rixes, furieux contre la petite fille blonde qui réconcilie ses parents, il allait se lever en faisant claquer son fauteuil, quand l'apparition sur l'écran de la courtisane fatale l'arrêta dans son mouvement. On ne la voyait pour commencer que de dos, se fardant, une glace à la main, à côté de sa piscine, et ce dos, qui était nu dans une robe rayée, était si beau, la nuque aux cheveux serrés et mouillés, torsade luisante, était si souple et saine, qu'il souhaita voir le visage d'un personnage aussi suggestif. La photographie, enfin, se tourna vers le public. Alors, deux grands yeux fatigués et rieurs se plantèrent, eût-on dit, dans ceux de Frédéric, une belle bouche épaisse lui sourit, dont les dents étincelèrent, et le coup qu'il reçut fut tel que son cœur s'arrêta de battre. Il y a un mystère aussi grand que les plus grands, dans cet aimant qui attire un être vers un autre. Frédéric, froid et sceptique jeune homme, n'avait jamais été troublé de sa vie. Pourquoi l'était-il aujourd'hui, et précisément par cette personne-là, ou plutôt par le portrait de cette personne-là? À peine avait-il eu le temps de voir, un autre épisode du film remplissait déjà l'écran. « Pourvu qu'elle revienne, » pensa-t-il. « Je ne suis déjà plus si sûr qu'elle soit si bien que cela. » Était-elle en effet si bien que cela? Le public n'avait pas semblé particulièrement ému. Il crispait d'impatience ses belles mains sur ses genoux fins. Il ne s'agissait plus maintenant sur l'écran que de la femme du modeste employé désespéré de ne pas savoir ce qu'était devenu son mari. L'orchestre médiocre jouait quelque chose de commun et d'agaçant. « Je verrai la fin de ce film et après je m'en irai. » Tout à coup, ce fut elle. En grande toilette, robe blanche et chapeau noir, elle jouait aux cartes, dans un bar, avec des milliardaires. Ses yeux glauques au coin légèrement abaissé. Sa bouche violente et douce. 1, 2, 3, l'image avait disparu. Frédéric fit le geste enfantin de se lever pour courir droit à l'écran. Reprendre à deux mains la créature irréelle qui lui échappait au moment même qu'il allait se repaître de sa vue. Il dut subir tout un épisode familial. Puis ce fut le débarquement du modeste employé dans la ville de perdition. Alors, le cœur de Frédéric se remit à battre de travers. « Il va la rencontrer, c'est certain, je vais la revoir. »« Coucou, la voilà. » Nue-tête, ses cheveux lisses collés aux tempes, torsade sans chignon serrant sa petite tête. Elle fronça les sourcils en proie à des déboires. Ses yeux clairs et sombres regardent dans l'infini. Vite, que je m'en rende compte exactement de sa bouche. Il n'a pas eu le temps. Un déclic remplace le salon où elle était assise par une gare où fument des locomotives. Il attendit au moins 10 minutes avant de la revoir, couchée sur une peau de tigre. Il se dépêcha de regarder sa bouche, et cela lui fit manquer ses yeux. « Et ses mains? Je n'ai pas encore examiné ses mains. » Il sortit de la salle en titubant, aveuglé, la migraine aux tempes, passa sa nuit sans dormir, manqua tous ses rendez-vous du lendemain, et le soir venu, courut, ridiculement, au cinéma. Le 5e soir, le spectacle était changé. Hors de lui, Frédéric revint au logis dans un tel état qu'il comprit le malheur qui lui arrivait. Il était amoureux. Être amoureux d'une femme, c'est déjà quelque chose d'épouvantable. Mettre amoureux d'une ombre. Or, posséder des millions sert à quelque chose, quelquefois. Frédéric dépêcha ses secrétaires dans tous les cinématographes de Paris. 2 jours plus tard, non seulement on avait retrouvé sa courtisane, mais il savait le nom de l'actrice, Laurette Ollier. Il retourna la voir, inlassable, attachait ce film à travers toutes les salles qu'il louait tour à tour. quand Paris cessa de le donner, il le suivit en province. C'était une passion exaspérante, un supplice. Apparu, disparu, pas une fois, elle ne restait assez longtemps sur l'écran pour qu'il pût enfin se griser d'elle. Couleur de spectre, muette, interrompue par de longues histoires godiches, furtives, terriblement humaines et parfaitement insaisissables. Créature de fumée, diabolique invention moderne, cette femme fantôme le rendait fou. Ses amis, ignorant ce qu'il devenait, ne comprenant pas quels étaient ses voyages incessants qu'il retenait en province, lui, le Parisien de tous les raffinements, lui écrivait des lettres auxquelles il ne répondait pas. Un jour enfin, la connaître, elle, la vraie elle, le râtelier, c'est une chose possible, après tout. Il avait peur. Si elle allait être moins bien que son reflet, si elle était commune, si sa voix... Quand il sentit qu'il ne pouvait plus vivre sans l'aimer en chair et en os, il se mit en campagne. Il lui fallut 15 jours pour découvrir la vérité. Quelle vérité ! Le râtelier, mais monsieur, elle est morte depuis 6 mois. Il avait acheté le film, après de longues, difficiles, coûteuses démarches. Une fois aménagée la grande galerie de son hôtel, sa vie infernale commença. Laurette, Laurette ! Les bras tendus, il sanglotait vers elle. Mais il ne pouvait pas ne pas la faire apparaître tous les jours devant ses yeux. Désespéré, solitaire, il la regardait peu à peu pâlir, s'effacer. Et chaque soir, plus ivre, plus sombre, il se dépêchait de l'adorer. Car il savait qu'elle mourrait un jour pour la seconde fois. Et que n'ayant vécu que pour ce revenant, n'ayant aimé que cette chimère, il finirait par la perdre. Comme on perd une maîtresse qui s'en va. C'était « L'amoureux du nombre » par Lucie de la rue Mardrus.